ou avoir du chagrin. Rester là, attendre, je ne sais quoi. Le retour d'un espoir, le son d'une voix. Je cherche des jeux de mots pour me faire rire. Mais ce qui vient à moi est encore pire.